Bonjour à tous, très chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Gémozo, pour l'instant santé et bien-être au naturel avec les secrets de Mathilde. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis à 8h et à 13h30. Lors de ma première chronique, je me suis présentée en tant que naturopathe, mais je n'ai pas développé davantage sur le sujet. Je vais donc vous dire en quelques mots ce qu'est la naturopathie et pourquoi elle doit faire partie de votre vie. Reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, qui lui donnera comme définition, la naturopathie est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. L'origine du mot naturopathie signifie « chemin de la nature ». Pour faire simple, la naturopathie est tout simplement l'art de rester en bonne santé, d'être à nouveau acteur et responsable en prenant soin de soi par des moyens naturels. Pourquoi consulter ? Pour optimiser votre santé et accompagner les dysfonctions qui vous gênent au quotidien, sommeil, articulation, digestion, circulation, pour, selon vos besoins, engager une cure de détox ou de revitalisation et ainsi nettoyer votre organisme et retrouver toute votre énergie. Si vous traversez une période de stress, d'anxiété, de déprime et que vous souhaitez être aidé par des méthodes naturelles, plantes, compléments alimentaires, méthodes de relaxation, pour vous aider à vous libérer de vos kilos superflus en engageant une véritable rééducation alimentaire qui vous permettra de repérer où sont les excès, les erreurs d'association ou les déséquilibres éventuels de votre alimentation, et ce, en fonction de votre métabolisme et de votre terrain. Pour la santé de votre bébé, enfant ou adolescent, grâce à une alimentation adaptée et à l'usage de diverses méthodes naturopathiques à notre disposition, bien des troubles du jeune âge et de l'adolescence peuvent être évités et accompagnés positivement. Pour le bien-être de la femme dans les différentes étapes de sa vie, avec accompagnement, avant, pendant et après la grossesse, soutien de la fertilité, amélioration des troubles du cycle, passage de la ménopause en douceur. Comme vous avez pu le voir, elle est adaptée à tout public. La naturopathie est basée sur trois piliers. Une alimentation saine, équilibrée et vivante, la gestion des émotions, le mouvement et la respiration. La naturopathie a plusieurs techniques et outils à sa disposition, articulés autour de ces trois piliers. L'alimentation et la diététique avec des cures saisonnières, un rééquilibrage alimentaire. La psychologie avec la gestion du stress et des émotions, relaxation, relations d'aide, méditation, respiration. Les techniques manuelles avec les massages non médicaux qui peuvent inclure de la réflexologie. Et la phytothérapie et aromathérapie avec utilisation des plantes et des huiles essentielles. Ce sont autant d'outils que la naturopathie utilise de façon individualisée pour s'adapter à chacun en fonction de votre terrain, de votre environnement et de vos besoins. Et comme nous sommes tous différents, ce qui fonctionnera pour l'un ne conviendra peut-être pas nécessairement à l'autre. Lors d'une consultation en naturopathie, la personne est abordée dans sa globalité, c'est-à-dire dans sa dimension physique, psychique et émotionnelle. En cela, la naturopathie est une méthode dite holistique. La naturopathie ne propose pas de recettes miracles, mais des solutions individualisées d'hygiène de vie adaptées à chacun. La consultation avec votre naturopathe est un échange, un dialogue qui permet de trouver le bon compromis entre ce qui semble être le meilleur pour vous et ce qu'il vous semble possible de modifier dans votre quotidien, en fonction de votre mode de vie, de vos envies et aussi de votre budget. Nous déciderons ensemble d'un programme d'hygiène vitale qui vous semblera simple, motivant, mais jamais infaisable. Pour résumer, la naturopathie vous permet de retrouver un certain équilibre dans votre vie en modifiant certaines habitudes qui ne vous correspondent pas forcément, le tout en étant accompagné. Si cela vous parle et que vous avez envie d'essayer une séance de naturopathie, vous pouvez prendre contact avec moi, mon cabinet se trouve à Plombières-les-Bains. Sachez aussi que j'organise des stages vitalité avec une professeure de yoga dans un charmant gîte au domaine des Champs qui se trouve au Val d'Ajol. Nous avions organisé un premier stage en juin dernier qui a été un réel succès. C'est pourquoi nous avons décidé de renouveler l'expérience du 7 au 11 novembre pour passer de l'automne à l'hiver en toute sérénité. Lors de ce stage, nous proposons des sessions de yoga, des ateliers découverte de la naturopathie, confection de repas ayurvédiques et végétariennes en toute simplicité, ainsi que des temps d'échange. En exclusivité, le samedi 10 à 20h30, une conférence sur la permaculture avec Thomas Defranou de l'association Aux Racines. Cette conférence sera ouverte à tout public. Pour plus de détails, vous pouvez trouver l'événement sur mon site internet www.lessecretsdemathilde.com, rubrique événements, avec tous les détails et les tarifs. Et si vous souhaitez plus de renseignements sur le stage, vous pouvez me contacter directement au 06 43 98 05 66. C'était l'instant santé bien-être avec les secrets de Mathilde. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.